Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Chacun a pensé à cette image, même s'il ne l'a jamais vue, la débâcle de l'armée américaine. À Kaboul, l'évacuation des Afghans à l'aéroport aurait des airs de déjà-vu, rappellerait la débâcle de la même armée américaine au Vietnam. L'évacuation de Saïgon le 30 avril 1975. Et soudain, c'est un Super Fail qui s'ajoute à un autre, comme si les mêmes causes produisaient les mêmes échecs, comme si finalement l'on n'apprenait jamais rien de ses propres erreurs, d'où l'intérêt de revisiter aujourd'hui cette page de l'histoire, page terrible, la guerre du Vietnam. Hors de toute considération politique, la marche vers le palais fut ce qu'il faut bien appeler une marche triomphale. C'est en moins d'une heure que les forces communistes ont investi Saïgon sans tirer un coup de feu. Pour ces hommes, l'avenue Tho Nhiet demeurera le dernier kilomètre de la guerre, le dernier kilomètre vers une victoire totale et sans condition. Ils se battaient depuis des années pour le Sud, depuis des semaines pour sa capitale. Le cours de l'histoire a fait qu'ils ont pu entrer dans Saïgon sans que le sang ne coule. Ils sont des GAP qui viennent d'entrer. Ils sont des GAP du Sud Vietnam. Ils ont beaucoup combattu. Ce n'est pas bien dur, mais c'est notre pays et il faut nous reprendre ça. Une victoire qui, par sa rapidité, a surpris absolument tout le monde. Jean-Claude Pomonti, à l'époque, couvrait la guerre du Vietnam pour le journal Le Monde et il nous raconte sa surprise lors de la chute de Saïgon. J'étais à ce moment-là au Kenya et j'étais accroché comme tout le monde à la BBC Radio. Bien entendu, ça a été une surprise pour la raison essentielle, c'est que c'est intervenu plus vite qu'on le pensait. On savait que un jour ou l'autre, les communistes prendraient le dessus. Kissinger, le secrétaire d'État américain qui gérait la diplomatie américaine à l'époque, avait pensé, quand il a signé des accords de paix avec Hanoï en 1973, janvier 1973, qu'il disposerait d'un intervalle décent. Donc c'était pas du tout une surprise. La surprise, ça a été la rapidité avec laquelle les troupes du général Giap sont arrivées à renverser la vapeur et à prendre Saïgon. Très vite, cette guerre apparaît comme ingagnable. Les objectifs de guerre d'ailleurs évoluent dès 1965. Il s'agit par ordre désormais en premier d'éviter une défaite humiliante qui mettrait en danger la réputation de l'armée américaine. En second, éviter que le Sud-Vietnam et les pays voisins ne tombent aux mains de la Chine communiste. Et seulement en troisième, permettre au peuple sud-vietnamien de vivre mieux. En 1973, des accords de paix entre les États-Unis et le Vietnam sont signés à Paris, mais il faut attendre 2 ans pour que la paix devienne effective. En 1973, les Américains ont signé un accord avec Hanoï et les communistes vietnamiens. On échange les prisonniers de guerre. Les Américains ne participent plus directement au combat. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de bombardements et il n'y aura plus de troupes américaines dans les combats. Donc l'armée de Saïgon s'est trouvée propulsée à la tête des combats. Les combats ont continué, mais sans les Américains. Donc les Américains sont partis en 2 temps, si vous voulez. En 1973, parce qu'ils ont passé un accord avec le Nord-Vietnam, et en 1975, ils se sont fait ce qu'ils avaient laissé comme troupes derrière, en fait c'était essentiellement des conseillers, en 1975. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dans le cas du Vietnam, les Américains avaient changé leur politique parce que leur priorité était devenue la relation avec la Chine et non pas essayer d'empêcher les communistes de prendre le pouvoir au Vietnam. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils! Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là! Allez, dégagez, dégagez, dégagez! J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines, sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre. Non, elle ne durera pas toujours, mais de victoire, il n'y eut point. Comment expliquer la défaite américaine au Vietnam, et ce malgré les moyens exceptionnels déployés par la nation la plus puissante et la plus riche au monde entre 1964 et 1975. En tout, ce ne sont pas moins de 3 millions de soldats américains qui sont envoyés successivement sur le terrain armés de bombes, d'armes chimiques, dont le fameux napalm qui a tout détruit sur son passage. Tout ça pour essayer de venir à bout d'un mouvement révolutionnaire, nationaliste, dans un petit pays à la population essentiellement rurale. Alors comment expliquer cette défaite cuisante ? Benoît de Tréglodé, historien, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, identifie trois causes principales à la débâcle américaine. Brièvement, la première cause est clairement politique. Les Américains sont arrivés au Vietnam dans une logique de guerre froide. Ils se sont trouvés face à un pays qu'ils connaissaient mal et qui n'était pas complètement encore embrigadé idéologiquement. Le régime nord-vietnamien était une république populaire, démocratique, soutenue en fait par le camp socialiste. Mais sur le terrain, les Vietnamiens qu'ils ont rapidement, de manière péjorative, intitulé Viet Cong, n'avaient rien de communiste. C'était des paysans qui se battaient d'une certaine façon pour leur terre et qui progressivement n'avaient pas de camp à choisir entre le régime autoritaire du Sud-Vietnam ou les gens du Nord qui se rapprochaient de leur terre. Mais progressivement, la politique, on va dire, massive de destruction portée par l'armée américaine sur le territoire, je vous rappelle que c'est aussi l'utilisation du napalm qui, avec des millions d'hectares de terres arables qui ont été rasées entre 5 et 70, ça leur a fait perdre les cœurs des populations qui ont progressivement pas chuté vers le communisme ou sont pas tombés vers le communisme mais qui se sont dit, ben, peut-être que le Nord nous défendra davantage que le régime du Sud. Deuxième cause, les erreurs commises par l'armée américaine. Pendant la guerre de Vietnam, il y a eu des erreurs stratégiques importantes qui ont été faites. Les Américains avaient des méthodes de guerre sur le terrain qui était disproportionnée par rapport à la réalité de l'ennemi à combattre. Les Nord-Vietnamiens se déployaient sur le territoire selon des logiques de guérilla. Les Sud-Vietnamiens, épaulés par les Américains, utilisaient des méthodes qui étaient celles de la Seconde Guerre mondiale, de destruction massive qui ne faisait pas la différence entre l'ennemi combattant et la population civile qui a été très fortement en fait victime de ce combat. Donc ces erreurs stratégiques qui ont été pointé, mise à l'index bien des décennies plus tard par l'homme qui était secrétaire d'État à l'époque, donc le ministre de la Défense américain McNamara, qui a écrit ses mémoires dans les années 90, regrettant certaines erreurs stratégiques, et surtout par un officier qu'on a un peu oublié, qui était à l'époque l'officier de l'armée américaine le plus décoré de l'histoire, qui en 71 a participé à un talk show sur la grande chaîne américaine ABC pour dire que les erreurs étaient tellement importante sur le terrain pour les militaires que cette guerre était ingagnable. Ce soldat particulièrement distingué parmi les forces américaines, c'est David Ackworth. On l'écoute. La chose qui m'effraie plus que tout, Barry, c'est que les généraux qui ont dirigé la guerre au Vietnam, les Westmoreland et consorts, les officiers d'état-major, comme le général Davidson et Harry Summers, commencent à écrire des livres et tiennent au peuple américain une version où, au Vietnam, nous aurions gagné toutes les batailles, mais perdu la guerre, car c'est un mensonge. Leur version, c'est que nous avons perdu la guerre parce que les politiciens, la presse et la population n'ont pas soutenu la guerre. Que la presse a menti à ce sujet, et ce n'est pas vrai. Nous avons perdu la guerre parce que ces grands généraux, qui aujourd'hui opèrent une révision des faits, n'avaient à l'époque aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et ce que je m'apprête à faire, c'est de mettre un terme à ces mensonges pour qu'à l'avenir, les jeunes Américains ne soient pas embourbés dans un nouveau champ de bataille parce que nous ne sommes pas prêts et que nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Ultime cause de défaite, selon Benoît de Tréglodé, une mauvaise connaissance du territoire et de la population vietnamienne. Les Américains sont arrivés au Vietnam avec une connaissance du terrain vietnamien parcellaire, partiellement hérité de leur expérience, mais opérationnelle, d'observation pendant la guerre de Chine française, à Dien Bien Phu en mai 1954. Et par la suite, ils ont eu une connaissance assez parcellaire en fait de leurs alliés sur place. Hein. Les Américains ont soutenu un régime autoritaire qu'ils ne connaissaient pas complètement. Ils ont désavoué assez rapidement en fait le régime de Diem, qui a géré le pays de 1955 à 1963, parce que les sources vietnamiennes le montrent aujourd'hui, ce régime n'était pas véritablement un régime fantoche des Américains, mais résistait à un déploiement massif des forces américaines sur le territoire. Et par la suite, ils se sont accoquinés avec toute une série de dirigeants qui, eux, n'étaient pas adaptés en fait au terrain et qui géraient mal en fait leur population, qui se sont avérés très impopulaires sur le territoire. Donc il y avait déjà ce problème-là. Le deuxième problème, en termes de renseignement, c'est qu'ils avaient une connaissance qui était également parcellaire de l'état des forces et des motivations qui n'étaient pas uniquement idéologiques, hein, encore une fois, pour une partie de l'armée américaine, le Nord-Vietnam, l'armée populaire des Vietnamiens, était composée de communistes sanguinaires qui étaient habités par le marxisme-léninisme le plus dur, alors que la réalité était complètement différente. Ils avaient affaire à une armée de paysans patriotes qui se battaient pour leur terre et les données n'étaient pas... On ne fait pas la guerre de la même façon dans ce cadre-là. Bien connaître son ennemi, c'est aussi se donner une chance supplémentaire pour véritablement gagner sur le terrain du conflit. Mais hélas, l'expérience est une lanterne qui éclaire le passé. Après les accords de Paris en 1973, après la chute de Saïgon en 1975, le Vietnam du Nord a bien vite l'avantage sur le Vietnam du Sud, parce qu'après le départ de la majeure partie des troupes américaines, c'est l'armée du Sud-Vietnam qui a enchaîné les erreurs stratégiques, et ce depuis 1973. Le journaliste Jean-Claude Pomonti nous l'explique. L'une des raisons, ça a été l'incompétence de la direction des opérations militaires et de la défense militaire de la part du gouvernement saïgonais. Nguyen Theo, qui était à l'époque le président de la République, a géré ça, mais très mal, quand il y a eu attaque des communistes en début d'année 75, il a donné l'ordre à ses troupes de se retirer des hauts plateaux du sud. Et ça a provoqué la panique. Et tout le monde s'est replié sur l'extrême sud, et le delta du Mékong et Saïgon. Ça a été la surprise. Le général Giap a exploité ces erreurs tactiques de la part du commandement à Saïgon pour pouvoir bousculer l'armée sud-vietnamienne qui était importante, il y avait plus d'un million d'hommes, et créer cette débandade. Alors c'est ça qui fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à Kaboul ces derniers jours, à savoir que, il y a les photos qui sont tout à fait ressemblables entre ce qui s'est passé à Kaboul et ce qui s'était passé à Saïgon en 1975. Mais alors, cette analogie entre la débâcle américaine au Vietnam et la débâcle en Afghanistan est-elle fondée ? On écoute Jean-Claude Pomonti. Je pense que le drame qui s'est produit en 1975 a eu une répercussion énorme. Il y a eu quand même quelques 60 000 soldats américains tués en Indochine. Et ça a marqué la politique américaine. Et ça a marqué l'histoire des États-Unis. Je pense pas que la décision qu'a prise Joe Biden de quitter l'Afghanistan dans des conditions très mal organisées, etc., je pense pas que ça aura un effet aussi grave à long terme. La morale de cette histoire, elle est peut-être contenue dans une blague à l'humour terrible. Qui a perdu le Vietnam ? Pas moi, dit Eisenhower, je n'ai envoyé que de l'argent. Pas moi, dit Kennedy, je n'ai envoyé que des conseillers. Pas moi, dit Lyndon Johnson, je n'ai fait que suivre Kennedy. Pas moi, dit Richard Nixon, je n'ai fait qu'honorer les engagements de Kennedy et de Lyndon Johnson. Pas moi, dit Gerald Ford. Quelle était la question ? Superfell a été piétiné à la technique par Ludovic Auger et Marie-Claire Oumabadi, gâché à la réalisation par Vivien Demeyer et piétiné à la production par Juliette Deveau. Super Face.